Pour la reine, le café des femmes enceintes. Par quel caprice ayant senti poindre en moi l'agréable coup de fringale connu des Parisiens matineux, me décidai-je pour cet établissement d'aspect fort modeste d'ailleurs, plutôt que pour Barat, Bordier et tant d'autres plus somptueux dont les devantures égayent le pourtour des halles. Mais quoi ? L'endroit s'offrait tout ensemble avenant et mystérieux dans ce carrefour à pignons, sous sa façade encorbelée qui me parlait du vieux Paris. Sans compter qu'un mince rayon de soleil glissant d'entre les toits par la fissure d'une ruelle transversale venait précisément, oh la succulente nature morte, s'écraser en plein étalage contre une bouteille de vin d'Anjou et ricochée de là en poussière d'or sur un plateau d'huîtres frais ouvertes, lesquelles, par un doux zéphyr réjoui, humait l'air, respirait, était épanoui, blanche, grasse, d'un goût à les voir, non pareil. Ainsi que l'a dit, ou à peu près, ce fin gourmet de Jean de La Fontaine. Le vin d'Anjou, si franc soit-il, ne vaut pas tant s'en faut mon pierreux clairé de cassis. Et j'ai tout d'abord le regret de la Clovis et de l'oursin quand je vois des armoricaines. N'importe, l'estomac insistait. À la guerre comme à la guerre. Je poussai la porte et j'entrai. Il faut croire qu'on ne m'attendait pas. Un murmure confus de voix voltigeait dans l'air quand j'ouvris, pareil au bruit léger des abeilles autour des ruches. Mais le silence se fit soudain. Je compris que j'étais intrus. Cependant, un coin restant libre, simple guéridon près du comptoir, je m'y installai, perplexe un peu. Garçon, une demi-vin blanc et deux douzaines. Il n'y avait là que des femmes. D'abord, je n'osais regarder. Après un moment, rassuré sans doute par mes airs de dégustateur solitaire, la compagnie parut m'oublier et les conversations reprirent leur cours. J'essayai un coup d'œil. Oui, rien que des femmes. Des femmes de la halle. Herbagères, fruitières, marchandes de fleurs et de volailles, et plus riches, plus coquettement attifées, anneaux d'or aux doigts et brillants aux oreilles, quelques vendeuses de poissons, propriétaires enviés d'un banc au pavillon de la marée. Tout cela gai d'aspect, tout cela florant, peut-être me l'imaginais-je, une odeur vague, et d'ailleurs nullement déplaisant d'océan, de fruits mûrs et de verdure. Venu dans cette manière de café, pour se réconforter un brin et profiter de l'accalmie qui sépare les criers de la vente au détail, ces dames causaient entre elles de leurs maris. Certaines, avec une crânerie populaire et touchante, disaient « Mon homme !» Seule la plus jeune, aucune ne dépassait 40 ans, la plus jeune, timidement hasardait de loin en loin un « mon époux » du bout des lèvres. À cela, et à ses cheveux jadis teints, redevenus bruns à la racine et dans la masse, mais dont la pointe s'empourprait encore d'une violente touche d'or, je reconnus, détail ingénument parisien, la cocotte depuis peu établie commerçante qu'un concubinat quasi légal réhabilite. C'était d'étonnantes confidences dont l'écho indécis m'arrivait sans que je comprisse. Alors, vous ne voudriez pas qu'il ressemblât à votre mari. Songez donc, un nez en trompette, et dire pourtant que je l'aimais. Le nez du mien tirerait plutôt sur l'Aquilin. Mais il n'en est pas plus joli. On a bien tort, ma chère, de ne pas prévoir ces choses quand on se marie. Ailleurs, au Trentienne. Vous comptez l'appeler Régis? Un joli nom, Régis, et pas commun. Moi, Ludovise, si c'est une fille. J'ai du reste le temps de réfléchir. Nous ne l'attendons que pour dans 3 mois. Alors, observant mieux, un soupçon me vint. J'avais mal vu d'abord. Ses traits, un peu tirés, ce teint mat et pâle, dans tous ses yeux, uniformément agrandis, le même étonnement à la fois heureux et douloureux, indice des prochaines maternités. Est-ce que, par hasard, mais non, pas possible. Une s'étant dressée pour aller au comptoir, décidément, je ne doutais plus. Mais quel établissement singulier où toutes les habituées étaient enceintes. Cependant, celle qui était allée au comptoir interrogeait la patronne anxieuse. « Est-ce qu'aujourd'hui, Mme Le Hurard, il serait défendu de bécoter cette frimousse à Benjamin ? Voyez, la société s'impatiente !» Mme Le Hurard, commère superbe à port de déesse, appuya le doigt sur un timbre. La bonne se montra, riant d'un gros rire, ne sachant que faire de ses bras ballants. Est-ce que Benjamin est réveillé? Je vous l'amène, Mme Le Hurard. Un frisson courut par tout le café. On allait donc voir Benjamin. Moi-même, sans me rendre compte, je partageais l'impatience générale. Enfin, la bonne reparut, triomphante, transfigurée, tenant au bras un enfant blond, tout frisé d'or, dont l'éclat rayonnait sur elle. Benjamin ! C'était Benjamin. Il dort encore à moitié, le pauvre chou, disait Mme Le Hurard en le caressant. Allez, Céleste, faites-lui faire le tour de la table. Et Céleste, ayant posé Benjamin debout sur ses petits pieds au milieu de la nappe, reprit incontinent l'air ahuri qui semblait lui être naturel. Passez donc, Benjamin. À chacune son tour. J'espère que vous n'allez pas l'accaparer pour vous toute seule. Puis les disputes, puis les rires, l'enfant promené de main en main, du haut en bas palpé et admiré pour ses bras musclés, son ventre poli, ses mollets, sa croupe et le reste. Car Benjamin était déjà, quoiqu'il n'eût encore que 4 ans, un de ces solides et complets petits hommes, comme le bon sculpteur Bernus en tailla tant et tant sous prétexte d'ange dans Avignon pour les autels et les retables. C'est que, me disait, une fois son monde parti, l'excellente Mame Le Hurard, c'est que, voyez-vous, on pourrait aller bien loin, plus loin que Versailles, sans trouver approchant de mon Benjamin. Tout le monde en voudrait le moule. Aussi, des 4 coins des Halles, les femmes accourent pour l'embrasser aussitôt qu'elles éprouvent le besoin de donner du jeu à leur ceinture. Elles espèrent, à force de le contempler, de le boire des yeux, avoir le pareil. Des choses qu'on raconte, c'est peut-être vrai. Moi, je ne me plains pas, puisque Benjamin achalande la boutique, et pour sûr, le père me devait bien ça. Le père est mort? Ah, witch, parti en Algérie, voici bientôt 2 ans, avec une Margot et l'argent de la caisse. Il était si beau, la canaille. Et montrant Benjamin qui s'était endormi. Regardez là, tout son portrait. Puis après une seconde d'émotion, mais plus que jamais souriante, Mme Le Hurard ajouta. Qu'y faire? La Margot n'eut peut-être pas tout à fait tort. Elle souhaitait cette femme comme les autres, un poupon ressemblant au petit, et elle a pris le bon moyen. 25 octobre 1889. Fin de la nouvelle de Paul Arène, le café des femmes enceintes.